souvent attiré par ce qui peut faire mal. Aucune crainte envers ces jeux dangereux. Moi j'insiste en sachant que ça va faire mal. Dans tout ça, le perdant sera le plus malheureux. Des relations pas bonnes pour nous, mais après c'est elle qui m'en veut. Quand je te dis qu'il n'y a rien de sérieux entre nous, c'est que je peux pas te donner ce que tu veux. Toi je suis un salaud, quand tu me vois maintenant même plus un salaud. Est-ce que tu m'as regardé? Penses-tu vraiment que j'ai le temps de te faire du mal? Pour toi je suis un salaud, quand tu me vois maintenant même plus un salaud. Oh, et tout ça je l'avais pressenti. Dis pas de grandir, non je ne t'ai pas menti. Faut qu'on arrête ça même si ça fait mal. De base toi et moi c'était que pour du sale. Je dois tout oublier même si ça fait mal. Pas de sentiments, on s'était dit au final. En vrai t'es un poison. Oui t'es un poison. En vrai t'es un poison. Oui t'es un poison.